Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Eigene Blut, eigene Blut, eigene Blut. Wake up. J'ai été en cavale toute ma vie. J'en ai marre du silence. Pour l'instant, ici et maintenant, je veux que ça fasse du bruit. Lorsque ces machines seront notre possession, nous pourrons aller n'importe où, frapper n'importe qui. Armez-vous en conséquence. Nous allons nous insurger et les éliminer une bonne fois pour toutes.